France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale Chicago. Oui, nuit spéciale, Chicago. Chicago, la ville qu'illustreront diverses émissions cette nuit, comme il se doit. Émissions d'époque et de genres variés, comme il convient. Alors une ville, ça se découvre, ça se visite, ça frappe l'imagination et ça crée très vite des souvenirs pour plus tard. Chicago, dans notre imaginaire, qu'est-ce donc ? À chacun sa réponse, qui peut flirter avec le cliché, l'idée toute faite, le mythe, et pourquoi pas. Alors, premier contact avec Chicago, la croisière continentale ou les États-Unis en long et en large, dernier regard sur Chicago. C'est une émission de Samy Simon que l'on entendra dans quelques dizaines de minutes, une émission qui date de mars 1952. Concordance des temps, ensuite, en janvier 2009, Jean-Noël Jeannonet s'intéressait en compagnie de Pape Ndiaye à Chicago, la ville d'Obama, puisque Obama venait d'être élu. Les nouveaux chemins de la connaissance, les écoles de Chicago, naissance de la sociologie américaine par Adèle Van Rett ensuite. Une émission musicale suivra, Euphonia, par Yvan Amar, Chicago et la musique et ses musiques, Dixieland, blues, vieux jazz, etc. Puis l'Amérique à la petite semaine, Chicago, par Michel Pollack, qui en 1958 découvrait la ville et le visage de la ségrégation. Et enfin, l'homme en jeu, Saul Bellow, Chicago, Illinois. Saul Bellow, au prix Nobel de littérature que Jean Montalbetti rencontrait en 1983 sur le campus de la prestigieuse Université de Chicago, où l'écrivain dirigeait le comité de pensée sociale. Musique, sociologie, littérature, découverte de la ville, que manque-t-il ? Les gangsters, bien sûr, Al Capone en tête. Et c'est pour ne pas se priver de ces figures hideuses, mais tellement romanesques et cinématographiques, que je vous ai invité, Pierre Fourniaud. Bonsoir Pierre Fourniaud. Bonsoir Philippe Garbi. Alors vous n'avez pas l'air spécialement d'un gangster, enfin d'un mauvais garçon, mais quand même vous êtes... Même si vous êtes un honnête éditeur, jeune et éditeur, vous dirigez la manufacture de livres, et bien quand même à la lecture de votre catalogue, on se dit que vous avez une fascination pour le banditisme, pour les mauvais garçons, les mauvaises filles, le milieu, les crimes, les photos de lieux de crimes. J'aurais quelques peines à me défendre. Fascination, c'est un peu excessif, mais un intérêt marqué, effectivement, pour ces personnages qui hantent à la fois les mythes de notre société contemporaine et puis qui sont, je trouve, souvent des métaphores de l'évolution de la société. Et Chicago en est le très bel exemple de ces mauvais garçons qui sont devenus très vite l'incarnation du rêve américain, du rêve capitalistique américain, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu. Alors plus tard dans la nuit, l'écrivain Fabrice Collin viendra nous parler, lui, de son adaptation de Chicago Land de R.J. Ellory. Il nous dira que sont ses initiales. C'est une bande dessinée par Sacha Goerg, publiée chez Delcourt. Mais alors vous, donc, Pierre Fourniaud, qu'est-ce qui vous a intéressé dans Chicago ? Alors il faut préciser, bien sûr, que votre catalogue ne s'intéresse pas qu'à Chicago, mais enfin, nous, comme on s'intéresse ce week-end à Chicago et que la nuit est spéciale Chicago et que vous publiez dans les jours qui viennent un beau livre, l'expression beau livre est peut-être un peu à reprendre, mais enfin bon, sur Chicago, Chicago Crime, il y a quand même, vous avez créé cette maison d'édition, manufacture de livres, pour donner libre cours à votre goût pour le sang. Plus sérieusement, la manufacture de livres, nous publions deux types de livres, à la fois des essais et des documents autour de ce monde criminel, en particulier du crime organisé, dont Chicago est un exemple caractéristique, et puis des romans policiers. Donc à la fois fiction et non-fiction autour de cette figure du gangster, du voyou, qui est devenu au cours du XXe siècle un peu un des seuls mythes créés à la fois par la presse, par la littérature, par le cinéma. Ce gangster qui, dans toutes les sociétés du monde entier, représenté souvent avec son costume croisé et son chapeau mou, appartient à toutes les mythologies qui ont été créées au cours du siècle. Et on peut dire qu'il est quasiment né à Chicago dans la personne d'Al Capone. Donc on se devait de s'intéresser à cette ville, à ce creuset, on l'a appelé le melting pot américain, le Chicago, mais c'est aussi le creuset de ce monde criminel en pleine effervescence dans les années 20 et 30. Et donc on a publié une autobiographie de Al Capone, plusieurs livres sur les grandes figures du crime organisé qui sont restées dans l'histoire du XXe siècle. Et puis ce livre d'archives du Chicago Tribune, qui est le grand quotidien de Chicago, né à la fin du 19e siècle, et qui a ouvert ses cartons et ressorti des photos un peu à la Ouija, qui était un grand photographe new-yorkais dans les années 30. Et dans la préface de ce livre, d'ailleurs, le Chicago Tribune, un peu comme nous, sur une échelle plus modeste, manufacture de livres, s'excuse par avance d'avoir lui aussi vécu et d'avoir communiqué cette fascination pour le monde du crime, pour ces photos terribles de scènes de crime et de grandes figures criminelles qu'ils ont contribué eux aussi à mettre en avant dans la société américaine de l'époque. Il faut dire que ce sont de très belles photos parce que c'est des photos en noir et blanc, très Absolument. Bien éclairées. On a l'impression que c'est des photos de plateaux cinématographiques, mais ce n'est pas le cas du tout. Ce sont vraiment des photos prises sur le vif. Alors, c'est peut-être pas l'expression, mais enfin, sur vraiment le jour où le crime a lieu, quand, même avant l'arrivée parfois des Oui, policiers. Puisque dans les années 20-30, ben c'est les tout débuts des progrès techniques de la photographie. Des grands photographes de presse ont aménagé leur voiture en laboratoire de photographie et commencent à se brancher sur une autre caractéristique technique qui est en train de se développer, c'est la radio. Et donc ils arrivent bien souvent avant les policiers sur les lieux de crime et ils prennent des photos qui aujourd'hui seraient évidemment... interdites, photos de cadavres, ils s'arrangent eux-mêmes ils font eux-mêmes la mise en scène des cadavres, n'hésitant pas à déranger la scène des crimes. Et donc, ils deviennent les metteurs en scène de cette horreur qui est ensuite distribuée le lendemain et dont sont friands tous les contemporains. Il y a des grands noms de photographes de cette époque-là? Il y a en particulier Ouija, effectivement, qui a fait une exposition il y a quelques années en France. Et il y a beaucoup de photographes du Chicago Tribune, mais peu sont restés à la postérité. Il y a une photo terrible, je crois que c'est Dillinger sur son lit de mort, enfin pas sur le lit de mort, c'est à la morgue en fait. Et alors il est visité, c'est-à-dire c'est le dernier lieu à la mode, ça ne dure pas très longtemps, j'imagine qu'il n'est pas exposé pendant des jours et des jours. Mais enfin, il y a des pendant 2-3 jours, il y a un défilé de toute la population de Chicago qui y va comme un peu au spectacle. Et bien, la morgue est ouverte. Oui. Bon, évidemment, les employés de la morgue reçoivent quelques passe-droits, puisque Chicago, je pense que vous aurez le temps d'y revenir, c'est le règne d'une sorte de corruption qui est devenue généralisée. Et les badauds vont voir cette grande figure dont on a suivi les épisodes dans la presse, dans les romans, les quelques années auparavant, évasion, arrestation, fusillade. Et là, il est exécuté par le FBI à la sortie d'un cinéma. Où il avait été lui-même voir un film qui s'appelle L'ennemi public numéro 1, aller-retour entre la fiction et le réel. Et il est exposé pendant 2-3 jours et on vient se repaître de la vision de ce cadavre. Ben, un peu comme à la même époque, en France, on allait aux exécutions publiques voir les criminels se faire raccourcir par la guillotine. Mais c'était au petit jour et puis on pouvait ne pas venir. Là, on venait en maillot de bain. Enfin, ouais. Cette photo, oui, sur la photo, il y a raconté là. Deux filles qui faisaient un spectacle nautique dans une piscine d'à côté et qui sont venues voir. Il y a des enfants, il y a toute la population qui est dans la rue va voir Dillinger, pose à côté en souriant et on est comme au spectacle. On est comme à Guignol, on est comme dans les théâtres, dans les foires, où il y a ce type d'exposition qui aujourd'hui paraissent complètement incroyables. Mais pourquoi pourquoi justement ça naît à Chicago, cette espèce de banditisme Alors Noël Jeannonnet dans Concordance des temps, dans une émission qu'on entendra cette nuit, revient sur ce mythe de Chicago. Mais Pierre Fourniaud, quand même, je voudrais savoir, est-ce que c'est parce que c'est une ville d'abattoir où le sang finalement coule à flot, que oui, mais soit humain ou, c'est une ville où animal, c'est pareil. Beaucoup de vies, en particulier animales, on veut la fin plus sérieusement, j'allais dire. Chicago, c'est une ville qui n'existe pas au début du 19e siècle, ou qui compte quelques centaines d'habitants au milieu du 19e siècle, et qui devient la deuxième ville des États-Unis au début des années 20. Alors que New York est plutôt une porte d'entrée dans le Nouveau Monde, Chicago sera toujours au cours du 19e siècle une sorte de frontière, puisque c'est la porte vers l'Ouest, le Far West, avec tout ce que cela implique de violence, d'absence de règles, d'absence d'État, d'inconnus. Et donc Chicago naît comme la ville ouverte, on dira le Wide Open City, ce qui veut dire que toutes les activités qui sont plus réglementées ou plus contrôlées par, en particulier, le puritanisme dans l'Est américain, y ont libre cours. Donc c'est une ville d'abord de trappeurs, de commerçants de bois, ensuite la révolution industrielle va passer par là, et on passe directement du Far West à une ville quasiment moderne, mais dans son organisation qui ne change pas, et surtout dans sa mentalité. Donc évidemment beaucoup de violence, des vagues successives d'émigration qui en feront après une ville frontière, qui en feront une des grandes portes d'entrée dans l'Ouest américain, donc avec des vagues d'immigration européenne, d'Italiens, de Polonais, d'Irlandais, qu'on va retrouver après dans les grandes familles criminelles de Chicago, et une absence d'autorité de l'État fédéral sur la ville, qui font que très vite, le développement économique tellement intense va générer beaucoup de revenus, et beaucoup de revenus pour le monde du crime. Prostitution, alcool, jeux. Et donc cette ville arrive avant les années 20 dans cet état où il y a beaucoup de tolérance pour tout ce qui est, entre guillemets, hors la loi, beaucoup plus que dans d'autres parties des États-Unis. Et puis les municipalités successives se font acheter facilement. Le crime se développe rapidement et au moment où la ville se structure un peu, il y a la proclamation du Volstead Act, c'est-à-dire la fameuse loi sur la prohibition, qui est une sorte d'appel d'air à la fois pour la consommation d'alcool, puisque paradoxalement on interdit toute vente de boissons alcoolisées. Alors il faut savoir qu'à Chicago, il y avait de fortes minorités issues d'Europe, il y avait beaucoup d'Allemands par exemple, pour lesquels l'interdiction de la bière paraît complètement absurde, beaucoup d'Irlandais qui est aussi pour lesquels la consommation d'alcool était c'était des catholiques, donc c'était nettement moins condamné que dans la religion, enfin chez les protestants, et puis des Italiens pour lesquels le vin c'est le sang du Christ. Donc cette interdiction paraît complètement absurde sur une grande échelle à la majorité de la population, et le nombre de débits de boissons, ben, comme on le voit d'ailleurs dans d'autres coins des États-Unis, est multiplié par deux l'année de la proclamation de cette loi qui aura eu pour conséquence la fortune tout au long des années 20 jusqu'à la fin de son application, de grandes familles criminelles issues de bandes criminelles qu'il y avait auparavant dans cette ville, mais aussi à New York ou dans d'autres villes des États-Unis. Mais c'est plutôt à Chicago, puisque Chicago sera aussi une porte d'entrée pour l'alcool qui vient du Canada, et donc de grandes fortunes vont se constituer là-bas. Alors vous disiez, vous parliez, Pierre Fourniaud, du va-et-vient, aller-retour plutôt entre la fiction et la réalité. Vous avez publié donc à la manufacture de livres Al Capone, ma vie. Vous parliez d'autobiographie, on ne sait pas trop si Al Capone lui-même a écrit, ou il a écrit plus de trois lignes de ce livre, mais oui, peu importe, il est quand même dans le livre, quoi qu'il arrive. Oui. C'est un livre qui il fait semblant... C'est un livre très particulier, oui, hein, c'est alors, pour ça qu'on a mis... C'est une traduction une déjà. Biographie d'Al Capone au tout départ, puisqu'après dans son autobiographie il se permet des libertés avec la réalité, et surtout les rédacteurs successifs de cette autobiographie qui a été réalisée à la fin de sa vie alors qu'il est syphilitique et en train de mourir en 1947 dans sa villa de Floride, il raconte parfois un peu n'importe quoi, se faisant passer pour un citoyen modèle ou parfois ayant des accès de grande violence, et ses biographes se permettent de broder à partir de sa vie. Mais Al Capone a eu toutefois une phrase une déclaration importante. Il a dit une fois qu'il était un fantôme, un spectre, un spook en anglais, créé par des millions d'esprits. Parce qu'en effet, Al Capone, à l'échelle des criminels du crime organisé aux États-Unis, c'est pas un type d'une envergure exceptionnelle. Il a réussi à hériter d'un empire qui a été créé par son mentor John Torrio, émigré de New York au début de la prohibition vers Chicago, et qui lui a vraiment créé cet empire autour de l'alcool, autour de la consommation d'alcool et autour de la corruption des élites de la ville. Al Capone, lui, c'est un chef d'entreprise qui a su poursuivre, mais c'est pas un créateur, qui a su poursuivre l'activité de son mentor. Et surtout, il a eu, on peut songer aussi à la figure de Pablo Escobar, plus contemporaine, il a eu le goût de la médiatisation, le goût de la chose publique, et il a voulu devenir un bienfaiteur de la ville. Paradoxalement, oui, il se considère... On vient lui demander d'être... on lui dit, écoutez, vous êtes un homme très célèbre, vous êtes très riche. En gros, on fait semblant de ne pas trop savoir ce que vous êtes... Vous faites partie du crime organisé. Il y a une sorte de tolérance. Et vous allez aider les pauvres. Voilà, alors donc, il fait ça à la fin de sa carrière, qui est au début des années 30, au début de la Grande Dépression. Mais auparavant, il est sollicité par la Warner pour faire un film sur sa vie, une sorte de biopic sur sa vie. Il devient à ce moment-là une sorte de fantasme. Il va jouer la reproduction de sa reproduction. Et à la fin de sa vie, dans ce livre, il dit que n'ai-je fait sinon réaliser le rêve américain ? Je suis parti de rien et ensuite j'ai bâti un empire dans une ville avec des méthodes que n'auraient pas contesté d'autres grandes compagnies à ce moment-là qui se développent, la General Motors, la General Electric. La seule chose, c'est qu'il utilisait la violence la plus folle pour mettre à bas la concurrence qu'il y avait en face de lui dans ce trafic d'alcool. Alors que la demande était était énorme, puisque la prohibition avait créé un vrai appel d'air pour tout ce qui était trafic d'alcool et de boissons alcoolisées. Tout en parlant justement des en face de lui, il parlait d'hommes qui faisaient partie d'une mafia, qui étaient des types abjects, des types qui n'avaient pas la moindre notion, pas la moindre idée des mots patrie, honneur, franchise, des types qui tuaient pour le plaisir de tuer. On a l'alarme à l'œil quand on lit Al Capone en train de critiquer comme ça ses concurrents. C'est... En fait, quand le gang de John Torrio, donc le mentor d'Al Capone, s'est mis en place à Chicago, très vite, il y avait une telle demande qu'ils ont essayé de s'associer avec les autres bandes rivales qui étaient à Chicago. Alors, dans le nord de Chicago, il y avait une forte minorité irlandaise, donc il y avait des trafiquants aussi, des bootleggers irlandais. Il y avait des bootleggers d'origine polonaise. Et ils ont tout de suite dit, écoutez, entendons-nous, le but n'est pas de nous faire une guerre, enfin, c'est de créer une sorte de conglomérat. C'est le même moment où, aux États-Unis, les grands groupes capitalistiques se développant se disent aussi, ce qu'il faut réaliser, c'est des alliances et des conglomérats et essayer de régler ce problème de la concurrence qui nuit à leur développement. Et lui, c'est pour ça qu'il conteste les choix des autres bandes qui, elles, veulent prendre le pouvoir à Chicago et se bagarre avec lui, avec la guerre des gangs, avec le massacre de la Saint-Valentin. Et lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était une alliance avec ces gens-là. Oui, enfin, disait-il, parce que finalement, tuer un concurrent, c'est plus facile que faire 3-10 réunions pour savoir qui veut dominer. On retrouve un peu le même problème dans toutes les familles du crime organisé, que ce soit en Colombie ou au Mexique. Mm-hmm. Dès que des personnages ont envie de créer un monopole, ils se retrouvent en face d'eux avec des concurrents qui sont aussi sanguinaires qu'eux. Alors Pierre Fourniaud, vous qui êtes le patron, le créateur de cette jeune maison d'édition, elle a 5 ans la manufacture de livres, oui. Vous avez publié des textes, des romans, des espèces de biographies autour de Lucky Luciano par exemple, c'est quelqu'un qui... Il y a d'autres personnages comme ça, il n'y a pas Al Capone seulement, et puis il y a même des Français. Alors Al Capone, il est resté dans l'imaginaire collectif, d'ailleurs... Al Capone est le seul personnage réel à exister dans les albums de Tintin. Oui, oui. Ça, il y a des questions aussi dans le concours. Alors, Lucky Luciano, il est aussi connu. Il a marqué beaucoup de lecteurs, de jeunes lecteurs. Lucky Luciano, il est aussi très connu du grand public, puisque c'est lui qui a inspiré la figure de Don Corleone, du parrain, de Mario Puzo, puis de Francis Ford Coppola. Et en fait, Lucky Luciano, c'est un immigré italien. Il représente un peu cette immigration italienne qui va très vite s'intégrer au mode de vie américain, au mode de vie capitaliste, et laisser tomber les traditions importées par les immigrés, en particulier dans le domaine du crime, les traditions de la mafia, de Cosa Nostra, et vouloir en finir avec ce folklore italien, et lui, au contraire, complètement adopter le mode de vie américain. Parce que toutes ces figures criminelles, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils sont des patriotes convaincus, des anticommunistes convaincus, ils ont le culte de la propriété privée, enfin, c'est des conservateurs, et pas du tout des figures criminelles comme il y a un peu dans Chicago Crime, dans les archives du Chicago Tribune, comme John Dillinger ou Bonnie and Clyde, ces figures criminelles qui s'inscrivent un peu en rébellion par rapport à la société, qui sont des Robins des Bois. Eux, pas du tout, c'est des capitaines d'industrie. Ils sont à chaque fois très choqués que la société s'en prenne à eux lors de leur procès, que ce soit Lucky Luciano, que ce soit Frank Costello, que ce soit Al Capone. Comme on l'a vu tout à l'heure, ils contestent le fait d'être des criminels, et pour eux, ils sont des bienfaiteurs de la société. Ils ont donné du travail à des milliers de personnes, et ils ont accompli le rêve américain du self-made man avec des méthodes certes expéditives, mais qu'on retrouvait dans la culture américaine du 19e siècle. Car, et Chicago en est le bon exemple, on est passé, comme je vous le disais tout à l'heure, directement du mythe du cowboy du Far West qui impose sa loi, les armes à la main, au mythe du gangster. Donc pour eux, il n'y a pas de contradiction entre leur carrière et l'achèvement du rêve américain. Est-ce qu'Al Capone a vu le film Scarface ? Oui, bien sûr. Alors ? Bien sûr. Il a même eu des relations avec des gens de la distribution, des producteurs. Lucky Luciano, en fait, à la fin de sa vie, a été sollicité aussi par Hollywood pour faire un film. Finalement, il y a renoncé, il est mort un peu avant la réalisation du film, mais c'est son biopic, comme on dit, qui a servi de base au scénario de Mario Puzo pour Le Parrain. Donc il y a toujours ces allers-retours entre la fiction et la non-fiction. Je citais tout à l'heure Dillinger qui meurt pour avoir été voir au cinéma L'ennemi public numéro 1. On pourrait citer aussi, plus près de nous, à Paris, les gangsters des années 30, qui auparavant avaient la tenue des Apaches, la casquette et le petit gilet du Faubourg Saint-Antoine, et qui se retrouvent, après avoir vu Scarface, en costume croisé et en chapeau mou. Donc quel est est-ce que c'est le cinéma qui influence le crime ? Est-ce que c'est le crime qui influence le cinéma ? Je crois que c'est surtout nous, enfin, grand public, qui nous repaissons un peu de la vie de ces personnages hors normes, et si pourtant, qui veulent s'inscrire eux dans une normalité, qui créons ce phénomène. Alors Pierre Fourniaud, dans votre catalogue, est-ce qu'il y a des romans qui se passent à Chicago? Est-ce que vous avez soit des romans écrits par des Français qui vous apportent comme ça dans votre maison d'édition un roman écrit? Non, à Chicago, de... non. À Chicago, non. Ça pourquoi? Ça, c'est plus à la mode. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'écrivains qui ont envie de situer des romans policiers à Chicago? Pourtant, le cadre est tellement... Voilà, on est certain si, que y en a le lecteur des contemporains, ben, comme R.J. et Laurie, enfin, vous voilà. En parlerez tout à l'heure avec Fabrice Collin. Mais nous, sur le thème qui nous intéresse plutôt sur le crime organisé, c'est plus dans le monde du cinéma. Évidemment, j'ai cité Scarface, mais après, il y aura à la télévision Les Incorruptibles, qui vont créer ce mythe du FBI luttant contre Al Capone. Il y aura le remake de Brian De Palma en 1989, Les Incorruptibles. Et puis, plus récemment, la télévision de Martin Scorsese, Boardwalk Empire, qui donne une vision historique, justement, de Al Capone, jeune, et du monde de Chicago, qui est très, très intéressante. Alors, donc, on a réédité un livre, oui, qui s'appelle Des voleurs comme nous, qui est plus dans la lignée de Edward Anderson, qui est un grand classique des années 30, hein, mais qui est un peu une histoire à la Bonnie and Clyde, un roman de la dépression, un roman qui se déroule dans le Midwest avec une histoire un peu de gangsters qui trouvent refuge dans une ferme du Midwest et qui sont ensuite poursuivis par la police. Mais là, on n'est pas du tout dans le côté famille criminelle, crime organisé, italo-américain. On est dans le domaine du voyou, un peu à la Robin des Bois et à la Bonnie and Clyde ou à la John Dillinger, qui sont ces... alors là, on est plus dans les années 30 après la Prohibition. C'est le moment de la grande crise et la presse se passionne pour ces gangsters qui attaquent les banques, qui mènent grand train et qui sont poursuivis par la police. Et chacun suit les épisodes jusqu'à l'exécution finale, à la fois de Bonnie and Clyde, de John Dillinger, de Babyface John. Il y en a comme ça beaucoup dans les années 30. Vous publiez aussi, donc il y a des romans, mais vous publiez aussi l'histoire de PJ par Charles Pellegrini, donc un livre sur Lucky Luciano, on l'a dit, des nouvelles aussi, publiées pour la CIMAD. Oui. Donc dans notre partie édition de romans policiers, on a réuni plusieurs auteurs de romans policiers célèbres, Jean-Bernard Pouy, Anne Bourrel, Lilian Batelot, qui ont écrit autour du thème de l'étranger et sous forme de nouvelles policières. Et le recueil a été publié à l'occasion du Festival international du roman noir de Frontignan et au bénéfice de la CIMAD, donc une ONG très ancienne qui date des années 30, qui est pour l'accueil des réfugiés et des étrangers en France. César Battisti, Sophie Loubière, Nadine Monfils. Exactement, et sous la trame policière, sous la trame du noir, sont présentés à chaque fois le thème de l'étrange et de l'étranger qui fait irruption dans la société. Quand vous voyez arriver un auteur, Pierre Fourniaud, de votre maison d'édition, de la Manufacture de Livres, qui vient d'écrire un roman ou qui a envie d'écrire sur un personnage de gangster, ou de tueur, ou de serial killer, enfin voilà. Vous le reconnaissez tout de suite, vous imaginez quelle peut être la vie de ces écrivains? Elle est très diverse, c'est des gens tout à fait... N'arrive pas avec un Stetson, avec un Borsellino... Non, avec c'est des gens tout à fait charmants. On dit ça. La difficulté, c'est justement de créer, d'avoir une création romanesque autour de cette mythologie, parce que quand on s'intéresse justement à la vie des gangsters, des voyous, du monde du crime. Des tatoués, aussi un livre sur le tatouage. C'est beaucoup moins romanesque qu'on peut l'imaginer. En gros, dans le crime organisé, ne survivent que les gens les plus violents et sans scrupules, et pas nécessairement les gens les plus intelligents. Une carrière de criminel, comme souvent des criminels nous l'ont dit, c'est 25 ans au champagne et 25 ans en prison. Donc c'est quand même pas une activité génératrice de vie extrêmement passionnante. Et un type comme Al Capone, dès les débuts des années 30, il va finir sa vie en prison. Donc il a eu un règne de 10 ans et après son règne s'arrête. Donc la figure de Lucky Luciano aussi, par rapport au Corleone du parrain, ça effectivement non plus rien à voir. Donc le talent du romancier, c'est d'arriver à créer des personnages qui soient un peu moins falots qu'ils ne sont dans la réalité. Et ces allers-retours sont intéressants. Et c'est d'autant plus difficile finalement qu'on est dans le mythe, dans le stéréotype, dans le... Voilà, il ne faut pas se rapprocher du lieu commun, voilà, c'est difficile c'est de créer... C'est ça la grande difficulté, effectivement. C'est tout de suite de voir les romans où on a des personnages stéréotypés qui sont issus, le détective privé de Chandler... le policier de Dumas. Donc on essaye de publier des livres qui justement s'éloignent de ces stéréotypes. Alors vous avez aussi publié, donc alors il y a le livre de photos là qui nous intéresse, Chicago Crime, avec les photos du Chicago Tribune qui sort ces jours dans votre maison d'édition, la manufacture de livres. Vous avez publié aussi un livre sur les mauvais garçons, portrait de tatoué. Alors ça c'est Jérôme Pierrat et Éric Guillaume. Oui, c'est un livre qu'on a fait dans le cadre de l'exposition au Quai Branly, qui s'achève là ces jours-ci. En fait, c'est au début du XXe siècle, à la fois la police et puis la médecine se sont intéressés à ces personnages qui étaient ce qu'on appelle les mauvais garçons du pavé parisien ou de Marseille ou de Bordeaux, qui étaient pour la plupart des anciens détenus de Biribi. Le système, alors Biribi, c'est un terme générique, c'est pas une ville, hein, c'est le système on peut dire concentrationnaire français, des bataillons d'Afrique qui étaient dans toute l'Afrique du Nord et dans lequel on détenait les fortes têtes qui faisaient leur service militaire, les adolescents qui avaient eu maille à partir avec la justice. Et donc les conditions de détention étaient terribles dans ces bataillons d'Afrique. Et les types, les garçons, se tatouaient. Et est née une école du tatouage des Baddaf. Et ensuite, on les retrouvait sur le pavé parisien avec, sur le torse, ils avaient les marques comme quoi ils étaient passés dans Biribi, qui était le lieu où les mauvais garçons pouvaient se reconnaître. Quand ils d'où n'étaient la pas tradition morts, du tatouage. Ouais. Et ensuite, alors les policiers, quand ils les capturaient, faisaient des photos des tatouages et ça leur permettait comme ça d'identifier les personnages. Ce qui fait que le tatouage a quitté le banditisme très rapidement. Dès les années 30, les types ont bien compris qu'il n'y avait aucun intérêt à se faire repérer par les tatouages qu'on avait sur le corps. Mais ces photos, cette centaine de photos montrent... C'est incroyable. Effectivement, du tatouage. Alors, qui dans le monde, enfin en France et surtout dans le monde latin, est synonyme de péché à cause de la religion catholique, alors que dans le monde anglo-saxon, c'est les bobbies et les policiers qui sont tatoués des pieds à la tête. Alors qu'il y a jusqu'à peu, c'était interdit dans la police nationale d'être tatoué. Chez nous, c'est le signe du criminel. Dans le monde anglo-saxon, c'est le signe du marin, c'est le signe du policier, et ça n'a pas du tout la même fonction. Mais c'est souvent les mêmes tatouages. Et alors, paradoxalement. On a l'impression qu'ils se ressemblent tous. Enfin, ils ont tous le même visage, parce que là aussi, c'est quand même des regards excessivement... Les photos de l'identité judiciaire, généralement, les garçons ont un peu le même faciès. Mmh. Mais en revanche, donc, les tatouages sont très différents. Et puis, on a l'impression qu'on aurait envie d'interviewer. Bon, c'est un peu tard, toutes ces personnes sont mortes. Alors, sans admiration aucune, hein, parce qu'en effet, les gangsters, les bandits ne sont pas des gens admirables. Mais il y a un roman derrière chaque photo. Oui, un des grands à avoir voulu témoigner. C'est pour ça le livre. Il y a à la fois des photos de l'identité judiciaire, mais aussi des photos d'un chirurgien qui s'appelait Alexandre Lacassagne. Et qui a voulu, lorsqu'il soignait ces mauvais garçons, a voulu garder le témoignage de cet art populaire qui était sur leur épiderme, en fait. Alors, donc, Pierre Fourniaud, eh bien, on va rappeler donc le titre du beau livre avec d'horribles photos magnifiques. C'est possible de dire d'horribles photos magnifiques ? De belles photos fascinantes. Voilà. Prises par des photographes de journaux. Enfin, voilà, c'était pas ce qu'on appelait les grands photographes à l'époque, mais ça veut rien dire. C'était des photographes qui allaient sur les scènes de crime et qui, en effet, mettaient en scène parfois. Des faits diversiers. Voilà, c'était très violent. Il y a la violence, parce que la personne est à terre, morte, voilà, dans une voiture ou dans une baignoire ou je ne sais où. Et puis il y a la violence du regard des autres photographes, des policiers, des badauds qui sont là. Et puis évidemment, notre voyeurisme aujourd'hui. Enfin, ça s'appelle Chicago Crime, donc les photos du Chicago Tribune. C'est publié donc à la manufacture de livres. D'autres titres à venir rapidement ? On vient de publier un livre sur Casque d'or, et un livre de photos aussi, photos et documents autour de cette figure qu'on connaît par le cinéma, mais qui a fait l'objet aussi d'une vague de littérature populaire. On a vendu des journaux, on a vendu des chaussons sur ce personnage dans les années 1900 autour de la guerre des Apaches et des mauvais garçons. Voilà, merci Pierre Fourniaud. La nuit spéciale Chicago, on va donc commencer avec les archives, la croisière continentale Samy Simon, puis Concordance des temps, Jean-Noël Jeannonet, Les nouveaux chemins de la connaissance, naissance de la sociologie américaine par Adèle Van Drette, Euphonia, Chicago, la cité des vents par Yvan Hamar, et puis plus tard, donc dans la nuit, on rencontrera Fabrice Collin pour Chicagoland, d'après R.J. Ellory, publié chez Delcourt.